L'Antichambre, Radio Les Bords 105.9, comme tous les jeudis soirs, 21h, en compagnie de l'oncle Ben et Albert. Bonsoir Albert. Comment vas-tu oncle Ben ? Toujours bien. Toujours bien, bon bah tant mieux. J'espère que nos auditeurs vont bien pour cette deuxième émission de l'année 2017. J'espère qu'on va réussir à tenir la cadence. Ouais, on espère, on va s'y efforcer. Qu'est-ce que nous propose ce soir ? Eh ben moi ce soir j'ai décidé de rester encore un petit peu accroché à l'année 2016 avec une petite sélection de 5 voire 6 ou 7 titres d'albums ou de 45 sortis l'année dernière en vinyle, histoire de rappeler ce qu'on a raté ou de revenir sur des titres qu'on a aussi déjà écoutés dans l'antichambre, mais en tout cas que du bon. Ben moi je vais un peu t'emboîter le pas, mais à demi, c'est-à-dire que je vais présenter deux nouveautés de 2007, et puis je vais revenir sur trois choses que je n'ai pas pu présenter en 2016, et qui datent, on va dire, novembre, décembre. Donc, d'accord. J'attendais, et puis on n'a pas pu faire les émissions, donc là j'en profite aussi. Eh ben, parfait. Eh ben, je te laisse te diriger vers les platines. J'y vais. Et puis, on écoute tout de suite ça, le mix de DJ LBR sur les 105.9 de Radio et les Bords. Shell, sweet vessel for the most time. Folks try rocking like this, but they don't fly. That beat never leave the ground. To get up, you gotta first get down. It's a process, homie. Class act only. You might got a deal, but your rap sound phony. Frail, brittle, no meat bony. Here's your protein slapped in the mouth with a coney. I'm only bugging. I try to keep it fun with it to jam like this. Take it back to 90-something like Chub Rock Chubster for the B-boy sucker. I'm professional, you're just semi-trucker. Got to go that far. If you're looking for the real deal, here we are. No doubt. diamond in the back for a fancy car. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar, a superstar. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar, a superstar. We're gonna redefine the image of a superstar. Announce my name and ring that bell, so I can throw a line and make your head swell. You can ice it down, but I don't recommend that you try to translate what you can't transcend. Hoot, hoot, hollow, follow after the trends. That's why you sound like Nelly Furtado mixed with Gwen Stefani, Stefani, me a my footy rocker. I got the crab scratching even the lobster. Watch me now as I break down a fraction. You can up rock, windmill, or backspin. We don't need a crystal ball to tell y'all when a trio in your city, we go off the wall. Time for some action, up, up, and at 'em. Throw a few curves and change up the pattern. Here comes a heater right in the zone. Yo, I waste time on the microphone. Got to go that far. If you're looking for the real deal, here we are. No diamond in the back or a fancy car. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar, a superstar. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar, a superstar. We're gonna redefine the image of a superstar. Return you to your sender, watch the mind bender. Here I go, there I go, no great pretender. Moves off for making, no time for faking. See, I get the loot and I bring home the bacon. Mama said knock you out the box, baby. I'm a one-hit wonder, take the purse and I'm crazy. Mr. Magic, see I gotta have it for rope-a-dope choke holes, giving suckers damage. 1-2s for mic checks, LH known to catch wreck. Bring event styles, young MCs ain't hurt yet. Oopsie daisy, here's another one. Give the drummer some, track records are made after a blast from the gun. It's off to the races, tie your shoelaces. Can't keep up in Timberland boots, troop your faces. Gas, we're the greatest of all time. Peace or war, catch you out on the flip side. You ain't got to go that far. If you're looking for the real deal, here we are. No diamond in the back or a fancy car. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar, a superstar. We're gonna redefine the image of a superstar. A superstar. I'm alive when the sounds of hip-hop be preaching my eardrums. Then the kids start to teach in the slick speaking. Puerto Rican, wise as a deacon. Coming with my crew, we be reaching new heights every time we sit and write. Lost brothers be hype off the insight. Tonight you will feel the true definition of real soul tunes. Coming to accompany the boom of the jazz bastard beat. Mass relief to hip-hop culture. They've been fasting, G. At last we be on the same accord. And we've stored up enough lyrics to serve every time you need more. Lord Almighty, the kid is frightening. My power that can stir up storms and strike lightning. Huh, peep the way we express the words. Step up, you get served. Fuck what you heard. My rhymes and it's wildlife in the sea, and it's the jazz bastard boom bap track that I'm freaking seeing. I flashback, couldn't envision myself being so dope. The definition of proficient MCing. My condolences to all the melodies I mutilate. Miles and piles of audio files accumulate. The groove will make you come to terms with my philosophy. The human glossary can't drop bombs colossally and attack your equilibrium like your drunk uncle when a nigga got this one too many beers in him. I put the fear in him like a fairy tale. Destroying instrumentals, I do it very well. Majestic, affected with the sickness. Disintegrated so many microphones with the quickness of a cheetah on a treadmill running inside a fitness center of attention. The way I go about my business, your business. It's me, Von P. Diddy bopping in the Navy, cool G. When we get it going, we ain't in the tiptoeing. We the biz, you for jizz and your potions. Legit, we be doing our own shit, word to Von. Y'all playing games like King of Kong. You in the club lit, back home. Your lights ain't even on. He's the Von, but y'all say P for short. Your aunt bit the Jimmy and we almost fought. Of course she's a woman, I knew that would be wrong. So I let it go, I should've watched porn. I write rhymes like I leave New York City. Cause a brother gotta pay for the weave on this bitty. And we still can't breathe under siege from Politti. Before we breeze ease, what we leave to the mini-me's. Calling spades, making them blink, making them think. Watch me dance. Calling spades, making them blink, making them think. Watch me dance. just being me and getting better. Two things I'm doing without much effort. Yeah, if graded, you get an F for originality. Worst attempt ever. Words and wit clever. Birds up a feather. Rockin', robin', flockin'. We got a lot in common. Harder than the hardest, hard as hard can get. Clean your ears out, cause you ain't heard shit yet. Done. Will. One word, no spaces. Familiar face in unfamiliar places. But home is where you pay rent. Pitch a tent for our pitch fit. Get a grip. Get a grip. You're buggin' out. You're buggin' out. Sippin' syrup, get the scissors. Cut it out, ouch. Y'all bite, and I felt that. Hit dog, copycat, where yourself at? Sit back, front, and let the style hit you. Take a second, 2 seconds before the switch flew. Prop a game deeper than the game, reach into your brain, feature in a vein before the bug bit you. Who can question the quality and the degree? Study patterns before, check out my melody. Reapply with the cool, calm mastery. Who's going faster than who is going past the peak? Most times, be in the mood to just slide by. Rim shot, let the rides ride. My, my, what a scene, seen as we drive by. Race call keeps the eyes high. Nice, fine, nice vibe leads to a nice time. Best believe it's the right kind. Slim spot, we slipping in high like the tides ride. Get it where you fit and left the right side. Drums drop crisp as a fine dry white wine. All in all, that's a nice nine. Tight lines, with the loose feeling open like sky. Open like minds of like minds. We're gonna sit back, front, and let the style hit you. Take a second, 2 seconds before the switch flew. Prop a game deeper than the game. Reach into your brain, feature in a vein before the bug bit you. Who can question the quality and the degree? Study patterns before, check out my melody. Reapply with the cool, calm mastery. Who's more faster than who's going past the field? Skills, more or less, it's words. No small games involved, y'all be blessed. And verb, watch you fall frame with balls. It's less to curve, and more than clouds. It's past the hints and blurbs, tense and curve. No matter the tense and nerves, since it's served. Than the bench and herbs, convinced for sure your vibe on intention serves. Superb word, word and cure, the print was cured. See, changes could not be allure of glam. Forget the glitz, we shift to third. My man degree, take the lead, lead, succeed and breathe. Touchdown with black thought and we shall proceed. Proceed, proceed and continue. We shall proceed and continue to rock the mic right. We gonna sit back, front and let the style hit you. Take a second, 2 seconds before the switch flew. Prop a game deeper than the game. Reach into your brain, feature in a vein before the bug bit you. Who can question the quality and the degree? Study patterns before, check out my melody. Reapply with the cool, calm mastery. Who's going faster than who is going past the peak? Distance indifferent to this limit. Advance and enhance the quick gimmicks. The mad glad we had chance to hit finish. The bad sand to fat sands, we fit in it. Distance indifferent to this limit. Advance and enhance the quick gimmicks. The mad glad we had chance to hit finish. The bad sand, we fat sands to fit in it. We gonna sit back, front, and let the style hit you. Take a second, 2 seconds before the switch flew. Prop a game deeper than the game. Reach into your brain, feature in a vein before the bug bit you. Who can question the quality and the degree? Study patterns before, check out my melody. Reapply with the cool, calm mastery. Who's going faster than who's going past the peak? My weapon of choice. The turntables. Real hip hop, put it in the air. I do dance. It's real hip hop music from the soul. Yeah, viens pour sublimer la forme et le fond, changer la norme et faire progresser le beat et le flow. En harmonie, j'entends des cris quand je fais péter le chrome. Brûle mon oral et homie, je viens réclamer le trône. Personne peut m'effleurer dans ma catégorie. Je regarde le monde et reste au-dessus de la cacophonie. Tu captes ce que j'écris, te marque comme un putain de Mac. Mon art claque, je suis l'enfant du speed et du spleen. Noir est la vision du monde que j'exprime. La foule demeure comme unanime. Le rap ne perçoit pas mon niveau qu'il réapprenne à lire. posé tranquille face aux esprits serrés. Adepte du haut couteau, nos quais, mes mots peuvent t'éviscérer. J'écris à l'encre de mon sang, dans l'encre de mon camp, à la lueur du bon sens, car le monde en demande. K.O.H. and deal. It's real hip hop music from the soul. Wrapped around the best and build intent to kill careers. Game over now, you tempt them, test the real. Your tennis killed, fuck your camp. We stretch and bend the wheel, then center fear up from the rear to leave you etched and nil. Still, they can't control the steel. We hold this mic and feel. Can't breathe no air, your green is green. No breath control for gills. Fill, rely on tech and techniques, folding hills and closing eyes. And rolling drills that hit you till you're cold and still. Spill, like open oceans pool below. We will leave potent potions drown in competition. Leaving floating fish and focus. Grilled on open flames and smoke like doja soaked in dill. Hung on ropes and spoke to shame. Toast to tame and ropes to chill. Insert nerves and numb to what this potion will. Add some to suckers up to souffle any beef or go to lil. You couldn't test the testicles, test the skills and we rate test the kills. These testaments will best the rest be blessed and ill. It's real hip hop music from the soul. I keep it real in this rap game. Now we came out to light it up and put it in the air. Real hip hop, put it in the air. Track is from the ghetto, so it's funky. Competition better worry, cause I'm hungry. Once again, it's Big Sight, world's famous chapter 8K. Your girl's favorite rapper, spread the AK at your crew like brat brat. If you try to Shazam my beats, I'm like, this shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track down bottom, with more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her bride. This is all brand new, no retro drunk. Psycho less, with the ghetto form. I wanna beat Janet Jackson and Toni Braxton. No long-term commitments, please only smash. And I don't need headaches, so I say no to relationships. Give me women that like to go on vacation trips. I could look 20 only if I shave, but I'd rather wolf out and look my age. Take that mask off, this ain't no masquerade. And let the beat rock so we can dance away. Secondhand audio. What the deal? This shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track down bottom, with more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her brother. This is all brand new, no retro drunk. Psycho less, with the ghetto form. Get sneaky, son. You can never freak this like a freaky one. I'm a freak like Sheik and Houdini. Let's get rich, huh? Like that beat on Luchini. Let's make hits, huh? Like the mafia in Sicily. You suckers keep pissing me. I'ma get rid of the evidence after I snipe you from a distance. Witnesses don't exist. Court dismissed. This shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track down. With more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her brother. This is all brand new, no retro drunk. Psycho less, with the ghetto form. This shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track down bottom. With more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her brother. This is all brand new, no retro drunk. Psycho less, ghetto funk. Yeah, ghetto funk. Psycho blast. That's what it is, psycho blast. Junk yard, juju, beat nuts. Secondhand audio. NYC. Check it out. Et voilà, c'était ma petite rétrospective de de l'année 2016 dans un rap assez orienté funky, on va dire, quoi. Avec funky et boom bap. Voilà, funky et boom bap à la fois. En tout cas, moi, c'est le rap que j'aime. Donc, rapidement, on va débriefer. On a écouté le premier morceau, c'était 149 du MC Oxygen, qui se fait appeler Just Divine à cette occasion. Donc, MC du groupe Sonsai, qui a aussi sorti des super trucs en 2016, dont on a déjà parlé dans l'émission. En tout cas, voilà, on n'est jamais déçu avec eux. Ensuite, Fedel, producteur néo-zélandais, on en a parlé plein de fois, on a déjà écouté le morceau, c'était Superstar en featuring avec Light and Dead, le groupe de Omega Watts. Je pense que c'est même quasiment le producteur qu'on a le plus joué cette année, enfin bah, qui a le plus joué. C'est probable, en tout cas, il avait sorti un EP de 7 titres, je crois, en version numérique en 2015, et je croisais les doigts en espérant qu'il sortirait ce projet-là en vinyle, et effectivement, il a sorti 2,45 tours, donc 2 fois 2 titres, 4 titres de ce EP, donc qui est vraiment excellent. Je vais plus vous en parler pendant un petit moment, mais en tout cas, voilà, je les ai bien... Jusqu'à ce qu'il refasse quelque chose, bien sûr. Ouais, bah, bien sûr, c'est sûr. Ensuite, on a écouté un des projets, ils ont toujours plein de projets, les Slipmat Brothers, aka Jazz Pastix, voilà. Donc là, c'était sous le nom Mellow Soul Black. En fait, c'est eux qui produisent... Enfin non, c'est... Mellow Soul Black, c'est un groupe. Voilà, Mellow Soul Black, c'est le groupe. Jazz Pastix à la production. Et c'était What You Heard. Ensuite, un album que j'ai trouvé très bon en 2016, c'était Guts, avec son album Eternal, le premier morceau qu'il réalise, non pas à la production, comme il était habitué à le faire, mais avec des musiciens, donc pour un rendu excellent, avec des titres hip-hop, des titres funk, des titres soul, des titres afro, et là c'était le morceau Kiss My Converse, avec Tanya Morgan et Leron Thomas, son partenaire de toujours. Ensuite, un super bon projet qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, qui a été financé en mode collaboratif via un Kiss Kiss Bang Bang. C'est Grant Fabao, le producteur de Paris DJ Sound System, avec le MC qu'on apprécie beaucoup, Ray Scar. Ils ont sorti un bon petit album de 10 titres qui s'appelle LC Obsession with Pétanque. Donc c'est Grant Fabao à la production, donc pour des prods... bien hip-hop, mais souvent aussi très funky, avec des touches reggae, des touches dub, des touches afro, donc c'est assez varié, c'est super agréable à l'écoute, et c'est Ray Scar au micro, et franchement, c'est un super projet qui est sorti à l'automne dernier. Ensuite, on a écouté un producteur français, Sloan, qui a sorti l'album At The Boom Jazz Café, un bon petit album bien jazzy, mais avec quelques titres bien boom bap, comme le morceau qu'on a écouté, c'était Da Real, en featuring avec Kawa Shendeo, Kondo, et encore une fois avec Rescar également. Et puis il a pas mal de bons featuring hein, d'ailleurs sur l'album. Ouais, non, vraiment, on a Rita J, on a Odessey, on a pas mal de monde aussi, et vraiment, non, un excellent album qu'on vous recommande, pour ceux qui aiment le hip-hop jazzy, en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis, le dernier titre, c'était Psycholess des Beatnuts, et c'est un titre qu'on retrouve sur le EP Extended Play, Second Hand Audio, les Breakbeat Junkies et DJ P, ça nous vient du label Ghetto Funk, et c'était un excellent petit EP qui est sorti l'année dernière. Et ben c'est parfait tout ça. On va enchaîner donc avec ma sélection donc qui commence avec un titre tout frais de 2017 d'un artiste d'ailleurs, enfin d'artiste dont tu nous as parlé dans ta sélection, puisqu'il s'agit des Jazz Pastix avec Mellow Soul Black. Donc un tout nouveau morceau, en plus en téléchargement gratuit. On entend l'instru actuellement, je vais vous passer le morceau, ça s'appelle Midnight Mode, et ça annonce normalement un album collaboratif. Et puis après on enchaînera avec deux artistes que je ne vous ai pas joué l'année dernière, donc qui sont sortis fin 2016, et puis on fera une petite pause, et après je vous débrieferai ça, et après on repartira sur d'autres choses un peu fraîches, voilà. Eh ben, à toi de jouer, allez, à toi les contrôles. Gardez la fréquence sur les 105.9 de Radio et les bords. Ah.

Michael Tyson types and trade figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. You gotta get it together. Yo, y'all ready? Yo, fight. You ready? Yo, set the shit. Cons, you got that part, right? I don't know, but it don't matter who choose to set it off. ATCQ, no doubt my niggas is boss. Little half-ass rappers, y'all pissing me off. Time to dead them all off, yo, no matter the cost. Black. They all make thugs of this caliber. Who kept up a buzz the whole calendar. Black. Used to sell drugs out the Challenger. Smash. Used to keep guns with the silencers. Black. They all make thugs of this caliber. Smash. Who kept up a buzz the whole calendar. Black. Used to sell drugs out the Challenger. Smash. Now look what he does to any challenger. Now who won it with the Trini Gladiator? Mid-finger to you haters, you buyers, not innovators. I take zero for granted. I honest my gift. Champion pen game, plus I'm freestyle quick. You clowns be bum sore. Speak my name, it's curtains. Hum do all my crews back to working. Trash rap for dead pussy, kill the turpin. Fuck boy, sit down, shit can only get worse. How dare you touch a mic with flows uncertain? Spit game dry, boy, that flow ain't working. Folks throwing items, them vex I'm cursing. Fuck made me wanna see this nigga in person. Third song in, motherfuckers dispersing. Only to realize, gotta loosen the building. Big tune, this for men, women, and children. Back on my bullshit, muscle bustle, we kill. Who kept up a buzz the whole calendar? Black. Used to sell drugs out the Challenger. Used to keep guns with the silencers. My nigga spirit be talking to me, let me explain. Not through evil mediums, tarot cards, or Ouija games, but through mixing chords and boards and even drum machines. He be saying, nigga, fuck the wars, keep repping queens. And he'll be taking slack from these non-rapping niggas, man. That intellectual shit you spit, you better change your plan. Especially when you see them at the lobby of a label and they don't seem able to outstretch their hands and admit they fans. You better flame them in the J's that they standing in. Ostracize their memory for not remembering. The articles reduce their body parts to particles and dust the Dead Sea with their cremated molecules. I'm leaving, but nigga, you still got the work to do. I expect the best from you. I'm watching from my heaven view. Don't disappoint me. Make sure that they anoint me as the blue ribbon pedigree. The best to show 5 for 3. Speak of the legacy for sure. People around the world, Napoleonic, bionic people who cause the world a twirl. Rip every stage you grace. Look right dead in their face. Live the tribe principle of having impeccable taste. Enjoy that rep. Like that one was your last or left. If you don't believe me, tip, it's truly life after death. So refer to the Biggie cover. So shout out my Trini brothers. And please check in on my mother, Malika Zach. Call me Shorty. Black. They all make thugs of this caliber. Spasmodic. Who kept up a buzz the whole calendar. Black. Used to sell drugs out the Challenger. Spasmodic. Used to keep guns with the silencers. Black. Hey, j'ai un petit problème, bro. Je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire encore un de ces morceaux avec des jeux de mots genre village picole. J'aurais pu faire des jeux de mots sur l'alcool, mais faut que je te dise la vérité. Je me suis dit lève tomber, je risquerais de me répéter, de faire bis bis et après je pisse trop. J'en ai déjà fait croc et croc c'est croc. Seule la grime paye, aucun remords pour les sous l'eau. Chasser le naturel, il revient au boulot. Ouais, je garde jamais mon belf contrôle, c'est rien de le dire. Unis pour le meilleur et pour le pire, je suis le god of boire, je fais les choses bien. J'ai tellement chardonnay pour toute mon œuvre, je mérite 20 sur 20. Toutes ces phases, j'en ai marre, Tini. Imagine bien qu'on m'invitera pas demain au garden party. Je m'étais promis de plus faire ce genre de titre. J'aurais pu te dire que je veux bien boire de tout, que je suis cosmopolite. Quand je viderai mon cocktail, je resterai sur la paille et je finirai sous l'éponge et siffler la rivière Sky. Je me fais la vodka du diable, la parole est à la défonce. Toutes ces phases que j'aurais pu écrire, mais j'ai plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire comme tout le monde, balancer du rap technique et des couplets où je rappe vite, du genre qui retourne le public. J'aurais pu faire du rap technique qui tape très vite, des rimes très bêtes, les puristes du boom bap crédit, des bars qui pètent comme les presses crépites. Même mec, je préfère les grosses pépettes. C'est pas dans le rap, je veux des vraies pépites. Des rimes de merde qui se répètent, j'évite, ouais, c'est vite fait. Je laisse les kids kicker sur le premier beat prêt. Je suis un geek et un type vrai, authentique. Ouais, j'ai du beat, mais je balance et je valide que les hits frais. J'aurais pu faire du multisyllabique sur 11 syllabes. Perdu vu qu'il n'y a vite qu'une tromperie de base. Frère, tu suces 10 milliards de beats, vu ton style naze. Ce n'est qu'une nullissime pratique du compilage. Peu importe si je fais des erreurs, T-Pex. On vient pour foutre le feu à l'ancienne. On a les dents longues et des grosses queues T-Rex. Et on va te casser tes lunettes Skrillex. J'aurais pu faire ce genre de rap tech. J'aurais pu faire toutes ces rimes hashtag, mais je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. J'aurais pu te parler du monde, mais je crois que tout va bien en ce moment. J'aurais pas su de quoi te parler. Et puis ça va de mieux en mieux, non? Je crois qu'on a évité le pire. Et je crois bien qu'il y a plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire. Sous le même nom, Bastoine, le sale type en Flowmaster, salobidon d'un litre. Je les embarque vite et puis je fonce vers la sortie. J'ai pas appris sur le net, mais dans les ronces et les orties. À fumer dans les petits trucs, les tags recouvrent. Élevé par les louvres aux palissades du Louvre. Quand je crache pas mes phases malhonnêtes, je lâche un blast honnête. Mec, y'a rien qui glisse mieux que la surface blanche d'une camionnette. Chacun son chemin et quand t'es lancé sur le mauvais rail, demande à Earl, ça peut te miner le moral. On part en balade. Joujou soulève la trappe à ballard, là les barbares. Fonce des à l'odeur de la sparvar. Aller jusqu'au bout de la ligne et puis sauter. J'écris mon futur comme mon passé à la pointe biseautée. Si tu te demandes pourquoi et qui je suis pour parler de tag, t'inquiète, les anciens et les vrais savent. On en a passé des nuits sur les avenues, dans les ruelles. Le bruit des cailloux, des ventilos, dans les tunnels. C'est pour les gars qui correspondent jamais au panel. Pour ceux qui squattent toujours en dessous des fenêtres comme un panel. On crache nos peurs et nos haines dans le chrome et le noir mat. Ne parle pas de stand-up quand je te parle de one man. On peut tout donner et on viendra pour tout prendre. Et on fera brûler la ville noyée sous l'amour et l'encre. Dans les tunnels. Et on fera brûler la ville. Brûler la ville. Descente interdite, fucker ATP. Pardon à la Comatec, ils vous auront fait frotter les condés au petit matin. Marcher au bluff, poster sur les quais pendant que les trains partaient au bœuf. Chacun son histoire, chacun ses héros de guerre. Défoncer les devantures, des flops sur les rideaux de fer. La tag est bourrée, persuadée d'être invisible. On peut grimper, on peut tomber, on sera toujours invincible. Si on a voulu te faire parler, que t'as pas fait sous toi. Si t'as été chercher des bombes dans le pavillon à Aulnay-sous-Bois. Si t'as connu les galères, les coulures, les couleurs qui repassent pas. T'as pris des pauses devant ta brûlure, du genre il se passe quoi. Et toujours fier quand les potes au canard. Toutes ces heures à mater, chaque photo danse près qu'un art. J'en place une pour les PNQ d'Austerlitz et de Gare du Nord. Ils vous ont menotté. Vous repartirez plus fort. Ayo Sébast, KTG, DZK, candidat au suicide à KAKAS. Respect pour toujours CTK, Chrome Angels, NTM, PCG Cop, TSB, BBC, RRC, Mac, TEH, THC, on était là aussi. Dans la ville de Paris. C'est pour mes homeboys, MB, GT, AMS, PCP, VAD, VMD. C'est pour ma reine, la reine, my one and only, Lady Fancy. Et pour tous ceux qui m'ont inspiré, fait de l'adolescent fanatique que j'étais. Hey yo, Char, oh. Hey yo, j'suis trop chaud. Quand j'débarque, allume le ventilo. Gérard Bast, 1m73, 110 kilos. J'ai un très gros stylo, une sténodactylo. Laisse-moi 5 minutes pour défoncer ton dalopiloma. Spécialité, c'est les petites sauteries. J'dévalise le rayon mexicain du Monoprix. J'suis pas venu pour animer l'atelier poterie, mais pour rocker la scène avec mes gars qu'on entreprit. En train de me pogner devant un vieux clip à l'ori. J'suis pas pervers, c'est juste pour brûler les calories. Et si tu me suis, c'est que parfois tu cries. Mon héros, j'suis pas gros, j'ai juste des ancêtres maoris. J'ai Gobelix et depuis j'ai les os solides. Pour mieux retomber sur mes pattes et conduire les gros bolides. Super baston slibard, au-dessus de Métropolis. Tu veux atteindre mon standard, va falloir te mettre aux saucisses. They told me I was great. Yippie-ya-yé, yippie-ya-ya-yo. Dis-moi qui est le plus beau, qui est le plus gros. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-yé. C'est le genre de mot patte, on va t'en faire bouffer. Je vais être plus dur que cette gecko, plus cool qu'Aurel San, plus sexy que Nekfeu, plus compréhensible que Vald, mieux écrit que Lino, plus intello que Fuzati, mais je suis rouge comme Redman et presque aussi gros que Biggie. Appelle-moi Kid Cubi, The Rip Slip Shady, Buffy Do du Didi, Bula One Kenobi, appelle-moi Pete Doherty ou Joe Budden, Fat Boy Slip, André 3000 ou Sacha Distel. Ouais, je suis grassouillet, pour l'apéro j'ai fini trois poulets, pour le dessert j'ai fait léger, j'ai pris un cassoulet. Mon anatomie, c'est devenu une vraie charcuterie, c'est plus un foie que j'ai, c'est une aubergine farcie. J'aurais bien dû me douter qu'il m'arriverait des tuiles, vu que ce qui coule dans mes veines, c'est de l'alcool et de l'huile. Je rentre plus dans mes polos, je fais le poids d'un épaulard, t'as gagné le gros lot, t'es tombé sur un gros lard. You told me I was great. Yippie-ya-yé, yippie-ya-ya-yo. Dis-moi qui est le plus beau, qui est le plus gros. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-yé. C'est le genre de modèle qui ferait bien de respecter. Yippie-ya-yé, yippie-ya-ya-yo. C'est pour tous les gars comme moi qu'on prenne toujours mot. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-yé. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. And all I wanna do is boogaloo. Hey. Trouve-moi sur ton canapé en train de mâchouiller un vieux chewing gum. Que du vrai, j'ai jamais triché. Là, c'est ma vie, c'est pas un sitcom. T'as intérêt à bien bosser si tu veux égaler ce prototype d'homme. Que t'aies les fesses en pastèque, tu sois gras du steak, ou que t'aies les seins en toute petite pomme. Le seul, l'unique Gérard Bast. Ah ouais, vraiment, vraiment excellent. J'adore ces rappeurs qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui déboîtent malgré tout au micro, quoi. Voilà, donc c'est tiré de son album qui est sorti en fin d'année, qui s'appelait Le Prince de la Vigne. On s'est écouté trois titres. On avait donc le morceau Plus rien à dire, ensuite Amour et encre, que je dirais son équivalent à Paris sous les bombes des NTM. Et puis le dernier morceau, Trop gros, et vous allez voir, l'album est vraiment très très fort. Il y a des lyrics très très très explicites que je ne peux pas vous jouer ce soir, mais c'est excellent. Non, on dirait qu'il revient fort, quoi. Autant les dernières choses qu'ils avaient fait avec les Winkels m'avaient pas forcément convaincu, mais là ça me donne envie d'écouter le reste de l'album, clairement. Et bah très bien, et puis juste avant, bah, c'était la grosse grosse surprise de fin d'année. Personne ne s'y attendait, c'était vraiment le plus gros secret du hip-hop, c'était le retour de Tribe Called Quest. Ouais, ça a vraiment défrayé la chronique. Donc l'album s'appelle We Got It From Here, Thank You For Your Service. Et on s'est écouté deux titres, donc il y avait le morceau de Space Program et Black Spasmodic. Bien sûr, il y avait Feu, Fife dessus, ils ont gardé les lyrics... Ils ont dû rejouer un peu en studio. Et puis c'est surtout en fait l'arrivée de J-Roby, qui était le quatrième membre de Tribe Called Quest dès le début, mais qui faisait surtout les bacs, on va dire. Et là, il est vraiment mis en avant sur ce nouvel album, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc ça c'est la petite pause. On va enchaîner avec un groupe donc français, mais qui rappe en anglais, c'est Chill Bump. Ils nous viennent, alors je sais jamais de quelle région, je vais retrouver ça après, après avoir joué les titres. On part dans un autre style, moi j'aime pas mal, les instrus sont très minimalistes, les morceaux sont très courts, donc on se retrouve dans un petit instant, là je vais jouer je pense 4 morceaux. Donc voilà, on s'écoute ça, et puis on revient après. Turn this up, it's automatic. You're my puppet, my pure fanatic. Got to have it, yep, you're an addict. Always evident, all ecstatic. You want it baddest, you're naughty habit. Trippin', feel that like you're an acid. Call this hash, cause you're calm and placid. You want to puff and want to pass it. You are my slave, move my way, do what I say. Use the vibrator, use the light bait. Your pupils dilate and you dehydrate. But I can use it to unify, to unite him, her, you and I. And I can use it to beautify. Take a motherfucker on a groovy ride. Yeah. Bring it back now. Take that, We got plot to blaze up, lots of vapor. We connect folk like operator. Puff a pasta like hot potato. Shots of Jaegers like shots from tasers. Nigga fitted like Schwarzenegger. Face banging, nigga not get greater. Stick a finger up to your knocking neighbor. Laugh when the motherfucking cops invade ya. Fuck with the pigs finna fine. This track's addictive. Who gives a shit if they give you a fine? This the shit that gets you going, the sticks in your mind. Gotta bring this back, gotta play this 50 to 60 more times. A rewind. Is better. Cause you're living inside your very small bubble. No stress, no worries, no pressure or trouble. Nobody do but them all hurt you. Your reality is virtual. Cause you're living inside your very small bubble. No stress, no worries, no pressure or trouble. Nobody do but them all hurt you. Your reality is virtual. Second night fake persona. You log into them make lasagna. Serve two plates, take a date with Tana. Log out, pay the new Drake Rihanna. Then you order a fake vagina. When it says made in China, you use lots of saliva. And the new bottle bit sarge. Text a little seizure. Ring ding dong, your breakfast is pizza. You relax the rest, but your feet are beat half. Put the rest in the freezer. Then you sit on the large soda. While you sit on a soft sofa, you eat shit to palm your hard boner. Next day you can start it all over. Cause you're living inside your very small bubble. No stress, no worries, no pressure or trouble. Nobody do but them all hurt you. Your reality is virtual. Cause you're living inside your very small bubble. No stress, no worries, no pressure or trouble. Nobody do but them all hurt you. Your reality is virtual. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log in, log out, same shit, different day. Log Bitch, you got a lot of bars for a small no name. You're so lame, you claim you got you Kanye on cocaine. Yo, you would not blow my mind, bitch, I am not Cobain. Your name is known for blowing sacks, we call the John Coltrane. You sting hashish and backseats, count cash off bitches' ass cheese. In backseats, a flashy whisk, if you finna get pics of back sheesh. You rap to get the master, think you're nasty, but you're snitching on your own silly ass. You Brendan Dassey and we ain't shook. Why? Because you ain't shook. Nice. But write about the cons beside the fake crook. You like to pose with bras for a Facebook like, but I bang bras and can't recall what their face look like. I pipe your wifey like a slap the bitch in chat. I like it and tap the twice like an Instagram photo. You can rip my damn polo, snatch my silver hand solo, but you can't hate on my game or this a man's mojo. So get angry if you want, kid, I won't give the damn popo. But don't lift your hands, your fists they tend to land slow-mo. I'm a skinny man, but when mad, I whip your fam. Stomp my soles on your throat and stamp a Timberland logo. Voilà, c'était 4 morceaux très très courts du nouvel album de Chill Bump, donc un groupe de Tours. Voilà, j'ai retrouvé le producteur est français, le MC est d'origine britannique et il a un flow, je trouve, qui déboîte. Après, les instrus, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'on a l'habitude d'écouter dans l'antichambre, mais... Ouais, c'est vrai que ça sonne plus dans les sonorités de rap moderne, on va dire, ou new school, je sais pas quel est le terme à adopter, mais... Moi, je vais dire, ça me fait penser, comme je te disais en off, on va dire, de la musique qui vient du sud, qui s'appelle la screwed music, donc des tempos très ralentis, très minimalistes, et je trouve que... Et des flows très, très élastiques. Voilà, et lui, son flow, il est d'enfer. C'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire. On va terminer l'émission avec encore une nouveauté qui est sortie là ces jours. C'est le retour de Trevor and Lisa avec un EP. Il y a 3 titres. Et 3 titres qui déboîtent sévère. C'est vraiment du funk des années 80, des breaks. L'album s'appelle LA Night. C'est un hommage d'ailleurs, c'est une reprise d'un morceau. Alors j'ai plus le nom d'une artiste japonaise. Yokuzo Kagawa, oui, ou un truc dans le genre. Voilà, ouais, voilà. Et puis il y a 2 autres titres, il y a Break Dropping qui utilise des morceaux jazz funk, il y a du Bob James, des morceaux du label City High, tout ça rejoué par Trevor and Lisa, et le dernier morceau s'appelle The Breaks, et là c'est que du break pour les battles. C'est le morceau qui dure 9 minutes, c'est qui ça dont tu parlais minutes, là mais je jouerai pas de celui-ci ce soir. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je le garde bien au chaud pour une prochaine émission. Donc tu nous fais écouter les deux autres, c'est ça? Au moins un, c'est sûr, je vais faire jouer, je pense, peut-être LA Night, comme ça, ça vous donnera le ton de l'album. Ça fait penser aussi beaucoup à Zap et à donc Roger Troutman, il y a beaucoup de vocodeurs. Voilà. Très bien. On se dit au revoir là-dessus, et puis à la semaine prochaine. 105.9, Radio Les Bords, 21h. La fréquence aussi, l'émission Go The Groove Factory. Sur le www.radio-elebor.com, notre web radio. Exactement, un joli bouquet de web radio, il y a plein de styles et nous on se charge de la fréquence The Groove Factory qu'on vous recommande. Et puis pour ceux qui nous écoutent en ce moment même sur Radio Elebor, restez connectés tout de suite, la rôtisserie. Ciao.